À la basse, Corinne. Allez, avec moi. avant que le périsse ne succombe. J'irai pleurer nos âmes perdues avant que le sang ne coule dans la rue. À la basse, file. Ouais, il faut que je trouve... un truc à la fin. Attends, j'ai perdu la mesure. Alors, j'essaie de caler. Je sais pas comment on copie avec ce truc. Mais à Cableton, j'arrive. Attends, parce que là on prend. J'arrive pas à sélectionner. J'arrive pas à sélectionner. Par exemple, pour colorier tout là, j'arrive pas à colorier ça. Je vais réduire ça.